Regarde le monde qui s'effondre. Qui s'effondre. Contemple. S'écroule. Démembre. Arraché. Lapidé. Présence rampante, s'arrachant du sol putride. Qui les consume. Contemple. Je tourne, tournoie. Gaiement. Contemple. Contemple. Lapidé. Je tourne, tournoie. Gaiement. Hurle. S'écroule. Hurle. Contemple. Contemple. Que de boîtes malicieuses qui viennent s'écorcher contre les parois. Que d'enfaces pieuses qui embrassent les proies. Que de boîtes malicieuses qui viennent s'écorcher contre les parois. Que d'ombrages sèches déifiant les êtres en émoi. Que d'ombrages sèches déifiant les êtres en émoi. Contemple. Sphère de nuages. Ravage la plaine. Danseur d'océan. Disperse une nuée. Lenteur chancelant. Constelle la marée. Aux maintes fois révélées, distrayant en tout point, laisse couleur écrin, s'embrase, et pourtant, le censeur, hurle, jugule, son rein, sa gorge, le glas résonne, ronronne, s'élance, vacille, reprend corps, et prend les corps, de sa lyre bourdonnante, au loin, au lointain, qui de ses larmes encordées n'aperçoit nul lendemain, aucun. Lapidé. Contemple. S'écroule. S'écroule. S'écroule. S'écroule. S'écroule.